Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la musique de Brahms. Brahms est un compositeur qui me bouleverse. J'ai l'impression que c'est un peu mon grand-père. On a l'impression qu'on l'a toujours connu, qu'il est venu pour vous soigner quand vous étiez enfant, qu'il était caché derrière sa barbe, mais toujours avec un bon regard et enfin quelque chose qui touche, même dans l'homme. Le cinéaste français François Reichenbach, dans un documentaire consacré à Brahms et diffusé à l'émission Grâce à la musique à la télé française en novembre 1980, Brahms fait partie des quelques incontournables géants de la musique classique. Il a été, de son vivant, l'un des compositeurs les plus en vue de sa génération. Bonjour Hélène Grimaud. Bonjour. Alors Brahms m'est plus intime que n'importe quel autre compositeur et il est celui sans qui je ne pourrais vivre. Est-ce que cette phrase, vous auriez pu la prononcer il y a 10 ans, il y a 20 ans ou il y a 15 ans sur Brahms? Eh bien, étonnamment, je crois que oui, parce que je pense avoir été convaincue de l'importance de cette rencontre au moment où elle a eu lieu, la première fois que j'ai entendu sa musique. Et ça a été vraiment un moment où une révélation a eu lieu. J'ai eu la sensation très forte à ce moment-là que c'était un point de non-retour et que mon existence ne serait plus la même, mais qu'il en ferait partie. Et quand on connaît cette vie aussi, cette vie de partage musical, c'est le plus bel accompagnement, le plus beau partage qui soit d'être avec un compositeur comme Johannes Brahms, mais comme beaucoup d'autres aussi. La pianiste française Hélène Grimaud, en paroles et en musique, c'est elle que vous entendez interpréter cet extrait, donc, qu'on entendait du concerto numéro 1 pour piano et orchestre en ré mineur. Pour nous parler de la vie, de l'œuvre aussi, de Johannes Brahms, je reçois Françoise Davoine, ex-animatrice à Ici Musique, amie de l'émission, qu'on retrouve toujours avec plaisir. Françoise, bonjour. Bonjour et bonjour tout le monde. Johannes Brahms, je le disais, mais c'est vraiment... il fait partie de ces quelques grands géants de la musique classique. Qu'est-ce qu'il fait... Et au fond... On connaît sa musique sans le savoir. C'est ça qui est fascinant. Il y a peu de compositeurs dont on peut dire ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait sa grandeur? Qu'est-ce qui fait qu'on le connaît sans le savoir? Ben, sa berceuse, déjà. Tous les parents qui nous écoutent ont probablement fredonné ou entendu sur un mobile qu'on craint, là. Céline Dion a même enregistré cette berceuse. Ça c'est déjà quelque chose. Ça a été récupéré par beaucoup de choses. Plusieurs de ses œuvres ont été récupérées. Ça, alors c'est sûr qu'on le connaît sans le connaître. Ouais. J'ai beaucoup aimé François Reichenbach qui disait que c'était comme un grand-père. Moi, si vous me demandez ce qu'est Brahms, pour moi j'ai toujours écouté cette musique comme si c'était celle d'un gros nounours au cœur tendre et généreux. C'est vraiment ça qu'on voit. J'aurais aimé le rencontrer. J'aurais aimé discuter avec lui, parler avec lui. Vraiment, on sait que quand il était âgé, il donnait des bonbons aux enfants. Il aimait bien se promener tout simplement. Alors, c'est quelqu'un qui est très attachant. Sa musique est attachante. Sa musique est pleine de mélodies incroyables, pleine d'inventions. Et en même temps, c'est un homme d'une rigueur incroyable. Alors, c'est un des très grands. C'est une âme extrêmement romantique, vraiment, mais pas tourmentée comme Schumann, ni dans cette musique, mais dans des habits très classiques, en fait. Mais c'est un immense romantique. Et puis, écoutez, c'est qu'il n'a pas été seulement compositeur. Il a été pianiste, il a été musicologue, chef de chœur, chef d'orchestre. Et il est passé à travers les âges, je veux dire, parce que de son vivant, il a été victime de préjugés très tenaces. Mais finalement, le temps lui aura donné raison. Mmh. Mais ce personnage, ce compositeur, attachant, bienveillant, hein, c'est ce que j'entends oui, au fond quand fait. Je vous écoute. Oui. Ça se traduit comment dans sa musique? Comment la décrire, cette musique-là? C'est une musique très allemande, je dirais, qui est vraiment nourrie de chorales luthériens, un peu protestants, donc, de danse populaire aussi, de sa connaissance des maîtres anciens. Brahms n'est jamais allé dans une grande école de musique, il a tout appris sur le terrain, il a recopié des partitions, il a écouté, il a analysé, il a disséqué. Alors c'est une musique qui tourne beaucoup autour du piano, qu'on entend partout avec avec l'orchestre ou en solo ou en musique de chambre, et de l'art vocal et l'art choral qui était très important. Et c'est un musicien aussi de l'introspection, hein. C'était pas un grand bavard, hein, de toute évidence. Il a probablement mis dans sa musique tout ce qu'il n'a pas vécu dans sa vie, dans sa propre vie. Il a aimé les couleurs sombres, il aime les timbres graves, il aime les lumières tamisées. Alors on passe de grands élans volcaniques quasiment à des passages absolument, mais d'une intimité saisissante. Ouais. Vraiment, je pense que c'est pour ça que ça nous touche énormément. Et c'est vraiment un musicien au don prodigieux, ouais, quoi, qu'on entend dans sa musique. Tout est parfait dans sa musique, c'est incroyable. Et ce don prodigieux dont vous parlez, il arrive très très tôt dans sa vie. Son père, qui lui-même est musicien, reconnaît ce talent qu'a son fils. Parlons un petit peu de ça, comment il va glisser vers la musique, Johannes Brahms. Ben, son père était un musicien lui-même, un musicien ambulant. Alors il a repéré les dons du petit Johannes et il a eu l'intelligence de lui trouver un bon professeur. Et ça, souvent, c'est très important, hein, dans la vie de quelqu'un. Et ce professeur l'a lui-même référé à un grand pédagogue, parce que lui aussi a très bien vu les dons de ce jeune garçon, qui, dès l'âge de 13 ans, allait jouer dans les bars avec son père, et pas seulement les bars, les bordels aussi. Alors vous savez, on est loin de Mozart, hein, qui était un peu poudré et qui jouait dans les salons avec les princesses et tout ça. Brahms, lui, il a vraiment été dans le monde populaire. Donc ça, c'est très important. Et avec ce grand pédagogue, il a découvert Bach, il a découvert la musique de Mozart, il a découvert Palestrina, enfin tous ces grands maîtres anciens dont il a goulûment voulu apprendre la musique. Et puis à 14 ans, il est tombé très malade et là, il a été envoyé à la campagne dans une famille qui avait une immense bibliothèque. Et là, il a découvert la lecture, il a découvert les livres et il est devenu vraiment avide de lecture. D'ailleurs, pendant toute sa vie, parfois, quand les gens n'avaient pas de quoi le payer, il se faisait payer en livres. Ah bon? Oui. Voilà. Donc, formation avec ce grand maître, avec ce hasard qui l'amène à lire comme un fou dès l'adolescence. Et puis à 20 ans, un déclic important pour lui, c'est à ce moment-là qu'il rencontre Franz Liszt. Par exemple, il va faire différentes rencontres autour de ses 20 ans. Mais dans quelles circonstances il rencontre Franz Liszt? Ben parce qu'il a commencé à donner des concerts à l'âge de 15 ans et très vite, on a vu que c'était un très grand pianiste. Il jouait Bach, il jouait Beethoven et il jouait ses propres œuvres. Les trois grands B, ceux qui vont devenir plus tard les trois B, la Bach, Beethoven, Brahms. Et il a, comme ça, de fil en aiguille, rencontré un violoniste hongrois qu'il a présenté à un violoniste extrêmement célèbre de l'époque qui s'appelait Joseph Joachim. Et Joachim a entendu ses œuvres et lui a dit « Oh, mais tu devrais aller rencontrer Franz Liszt à Weimar. Tu pourrais apprendre auprès de Liszt. » Alors, c'est ce qu'il a fait. Et Franz Liszt l'a accueilli très gentiment. Il a bien aimé ce qu'il a entendu. Il a eu des bons mots pour la musique de Brahms. Il a même mis à ses programmes quelques œuvres de Brahms. Mais ça n'a pas cliqué entre les deux. Brahms n'était pas du tout dans cet élan d'ouverture de la musique, d'explosion de la musique qui racontait des histoires. Brahms, c'était autre chose. Alors, il n'est pas resté auprès de Franz Liszt. Mais il a rencontré son maître, par contre, qui était aussi un grand romantique. Mais ça n'aura pas été Franz Liszt. Non, ça aurait été, en fait, Schumann. Et ce sera très, très important pour lui, cette rencontre avec Robert Schumann, avec sa femme aussi, Clara. On y reviendra dans un instant. Cette relation, ce qu'on peut dire ambigu. En tout cas, on en parlera de la nature de cette relation qu'il aura avec Clara Schumann. Mais d'abord, le maître, Robert Schumann, qu'est-ce que ça veut dire, cette rencontre-là, pour lui? Il a 20 ans. Schumann a un peu plus de 40 ans et Schumann est quelqu'un de très écouté. C'est un compositeur, il est directeur de la musique à Düsseldorf et il publie dans une revue musicale des articles très importants sur la musique et il écoute une sonate de Brahms et il crie au génie. Et il a peut-être crié même un peu trop fort au génie parce que ça a été très lourd à porter pour Brahms qui était quand même un jeune compositeur qui n'avait pas tant d'œuvres à son répertoire et qui a dû vraiment assumer le fait que Schumann voyait en lui l'avenir de la musique. Alors ça a été assez difficile. Il a toujours eu peur, Brahms, de ne pas être à la hauteur. Il a été extrêmement perfectionniste. Il a détruit une quantité d'œuvres incroyables. Alors en fait, ça l'a mis un peu mal à l'aise, mais il reste que chez les Schumann, il a trouvé sa famille. Il s'est installé près des Schumann. Il a passé beaucoup d'heures a discuté musique avec Robert Schumann. Robert Schumann lui a trouvé un éditeur. Robert Schumann l'a poussé à composer des œuvres symphoniques, donc à travailler l'orchestration, parce qu'encore une fois, il a tout appris tout seul, hein, Brahms. Alors, il a discuté énormément avec Schumann. Parfois, Clara était là qui assistait à ces discussions, mais elle, c'était une grande pianiste. Elle était en tournée tout le temps, donc elle n'était pas souvent là. Et Brahms a goûté à la vie de famille aussi. Il y avait une ribambelle d'enfants. Il a même été le parrain du 8e enfant. Les parrains l'appelaient oncle Johannes. Donc, il a vraiment fait partie de cette famille. Et vous parlez de Clara Schumann, qui est une grande pianiste. Ils vont travailler ensemble, Clara Schumann et Brahms. On écoute justement une pièce qui va les réunir à la création de cette pièce, en fait, le quatuor avec piano en sol mineur, que Brahms crée donc à Hambourg en 1861. À ce moment-là, donc, c'est Clara Schumann qui est au clavier. Alors, de quelle nature sera cette relation, Françoise Davoine, entre Johannes Brahms et Clara Schumann? Ah, quelle histoire quand même. Ouais. Faut pas oublier que Clara Schumann et Robert Schumann ont eu beaucoup de difficultés à être ensemble, à se marier. Il y a toute une histoire, hein, ça a duré des années. Clara aime son mari, Clara est profondément amoureuse de Robert Schumann. Mais c'est sûr que Johannes Brahms était amoureux de Clara Schumann. Il avait 14 ans de moins. Il l'a écrit à son ami, justement, le violoniste Josef Joachim. Il disait « Les femmes promettent simplement le ciel que Clara nous montre. » Grand ouvert. C'est beau, hein? Alors voilà, donc elle aime son mari. Romantique, oui, c'est très romantique, hein, exactement. Et malheureusement, Schumann va être interné très tôt hein, dans sa vie. Alors après une tentative de suicide, il va mourir 3 ans plus tard. Il a 46 ans. Mais pendant les années où Schumann a été interné, Brahms a été extrêmement présent pour Clara et pour les enfants. Il a essayé de la soutenir du mieux qu'il pouvait. Il s'est occupé même de la comptabilité de la famille. Il réunissait des amis pour lui donner des petits conseils, pour la distraire dans la maison. Il essaye de discuter beaucoup avec elle. Il va aider le personnel à s'occuper des enfants aussi. Et il va en même temps toujours continuer à aller voir Robert Schumann dans l'institution où il était interné. Parce que Clara, elle, n'y allait pas. Les médecins ne voulaient pas qu'elle y aille. Ah bon. Ça perturbait trop Robert Schumann. Alors, après la mort de Schumann, en fait, Clara va écrire une lettre à ses enfants dans laquelle elle va exprimer clairement que Brahms est un véritable ami, qui l'a beaucoup aidé à surmonter la douleur de la perte de leur père. Donc là, il a compris qu'elle ne répondrait jamais à son amour. Il va se résigner. Ils vont se voir régulièrement, mais beaucoup moins. Et leur correspondance va rester abondante. Et on y sent une immense admiration de l'un pour l'autre. Alors c'est quand même une relation amicale et musicale de plus de 40 ans. Et c'est sûr que Clara Schumann est restée l'inspiratrice. Je dirais le regard rassurant pour Brahms, donc, tout au long de sa carrière de musicien. Ouais. Donc, grande importance pour Brahms de Clara, mais aussi de Robert. D'abord et avant tout, c'est lui qui est son maître quand il le rencontre. Ça crée un vide pour Clara, mais pour Brahms aussi, la mort de Robert Schumann. Qu'est-ce qu'il devient, Brahms, après la mort de son ami? Ça a été difficile. Ben, il a fallu qu'il s'assume tout seul. Et alors, il a accepté un poste dans une ville en Allemagne, et puis ça n'a pas tellement marché. Il a eu vraiment une série d'échecs successifs. Il voulait être chef d'orchestre à Hambourg, dans sa ville natale. Il n'a pas eu le poste. Il s'est fiancé, mais il a rompu ses fiançailles. Son concerto, dont on a entendu un extrait au début de l'émission, le premier, a été mal reçu. On le trouvait trop long. Enfin bon, ça ne marchait pas. Bref, ça allait mal. Alors, à un moment donné, il a décidé qu'il allait s'installer à Vienne, la ville de Beethoven, de Schubert et de Mozart. Et ça, il est parti à Vienne. Probablement ses plus belles années. Oui, certainement. Il a fait le bon choix. Il le dit tout de suite dans ses lettres. On le voit. Il est heureux à Vienne. Il s'est très bien intégré. Il y a connu un succès retentissant. Il y arrive comme chef de chœur, mais après ça, sa vie va s'organiser autour de ses tournées de pianiste, ses activités de chef, de compositeur, ses œuvres qui sont de plus en plus souvent programmé par les festivals, par toutes les associations musicales. Il va aussi travailler comme éditeur à l'édition complète des œuvres de Robert Schumann avec Clara. Il va contribuer à l'édition des œuvres de Chopin, de Mozart. Bref, il est occupé, il fréquente les cercles musicaux, scientifiques. Et puis son éditeur lui commande sans cesse de nouvelles œuvres parce que les bons amateurs de musique adorent la musique de Brahms. Alors il s'enrichit considérablement. Les relations entre Brahms et Wagner seront pour le moins tendues, Françoise d'Avoine, et c'est quand Brahms compose ce qu'on vient d'entendre, sa première symphonie, que vraiment éclate la querelle qu'il oppose à Wagner. À quoi ça tient, cette affaire-là? Ben, en fait, c'est une querelle qui existait déjà, parce qu'il y avait des tenants de l'école classique, vraiment, où on évoluait, mais on restait dans un cadre très classique, à la manière des grands Viennois, Haydn, Mozart, Beethoven, etc. Et puis, il y avait les Liszt et les Wagner et compagnie, qui, eux, étaient les tenants, qui avaient autour d'eux tout un groupe de tenants de la nouvelle école allemande qui voulait vraiment bousculer ses formes, insuffler à la musique une dimension narrative de premier plan, ce qui n'existait pas jusque-là. Alors en fait, c'était deux écoles de pensée vraiment opposées. Ouais. Et puis Wagner, lui, considérait qu'une forme comme la symphonie, ça ne devait même plus exister. Ah bon? Alors c'est sûr, quand il entendait des choses comme ça, et que, comme il n'était pas toujours très aimable dans ses propos, il ne s'est pas gêné pour essayer de descendre Brahms. Mais il n'y avait pas que Wagner et Brahms, faut pas non plus réduire cette querelle à ça. C'était l'esprit de l'époque. Il y avait vraiment des défenseurs des deux écoles, des chefs qui dirigeaient certaines œuvres et pas d'autres, etc. Et la musique est une charnière à ce moment-là. La musique aussi est à une charnière, ouais. Et c'est sûr que Brahms va voir je pense que Brahms était très conscient qu'il appartenait à la fin d'une époque, et il va voir que cette musique descriptive, que cette musique qui sort de toutes ses formes, sonates, symphonies, etc., va prendre le devant de la scène, hein, et c'est ça qui va changer vraiment tout le cours de l'histoire de la musique. En 1873, alors qu'il a 40 ans, Brahms connaît un premier succès symphonique majeur avec ses variations sur un thème d'Haydn. Françoise d'Avoine, c'est pour lui ce qui s'en vient, la décennie qui s'en vient, une grande décennie. C'est incroyable. Alors, succès incroyable de ses variations, succès de son premier quatuor à cordes. Hein. Alors, c'est pas rien parce qu'il a quand même 40 ans, hein, et il a attendu tout ce temps-là pour en publier. Mais vous savez, il y avait l'ombre de Brahms, de Beethoven et de Schubert quand même, qui planait. Et en 10 ans, il va livrer au monde 4 symphonies coup sur coup, un concerto de violon, un deuxième concerto pour piano, un double concerto, des ouvertures, des lieder, des pièces pour chœur, de la musique de chambre. Il est en pleine possession de ses moyens, et surtout, partout, le public attend ses œuvres. Et la page qui a connu certainement le plus grand succès jusqu'à aujourd'hui, eh bien c'est celle qu'on va entendre maintenant, une page qui a été utilisée au cinéma dans une vingtaine de films, et dont la mélodie a même été mise en musique, reprise par Serge Gainsbourg et chantée par Jane Birkin. Imaginez, sa troisième symphonie en fa majeur. Thank you. Cette fameuse troisième symphonie, ça nous dit quoi, Françoise Lavoine, sur le génie de Brahms? Ben, ça nous dit la beauté des mélodies. Écoutez, on va tous partir avec cette mélodie dans l'oreille. Ça nous parle de la maîtrise de la forme, ça nous parle des couleurs de l'orchestre, ça nous parle de cette âme si sensible, hein, c'est si merveilleusement sensible, j'ai envie de dire. Aimez-vous Brahms? Comme disait François Sagan, et cette musique a été utilisée dans le film d'ailleurs d'Antoine Litvak, hein, sur le roman de Sagan. Ouais. Et ça, c'est son pic, son sommet. Oui. Mais ça ne s'arrête pas là, il va continuer. Non, il continue, il devient des personnalités les plus connues de Vienne, il va avoir toutes sortes de décorations. Il se faisait appeler Dr Brahms à la fin de sa vie. Il va avoir beaucoup d'argent, il disait « je nage dans l'argent, mais sans en éprouver le moindre plaisir ». On aurait pu l'aider. Hein. Il y a même une auberge de Karlsbad qui va changer son nom en auberge Brahms après qu'il y ait fait un séjour. Mais après, dans les 10 dernières années de sa vie, il va devenir de plus en plus solitaire. Il va réduire ses activités mondaines, professionnelles. Il va écrire pour la clarinette, pour un ami. Alors là, des chefs-d'œuvre, 4 œuvres coup sur coup, qui sont toutes aussi magnifiques les unes que les autres. Et puis, ses dernières œuvres, elles bouclent en quelque sorte la boucle de son chemin de création, parce qu'il va revenir au piano solo avec des pièces qu'il va surnommer des berceuses de mes douleurs, des pièces très épurées après la mort de sa grande amie Clara Schumann. Et puis ensuite, il va écrire 4 chants sérieux qui sont comme un adieu à la vie et à la jeunesse. Et puis, il va finir tout ça avec 11 préludes pour chorale, une œuvre pour orgue, comme un hommage à son idole Jean-Sébastien Bach. C'est quand même assez étrange, hein, parce qu'il finit avec ce retour à Bach. Voilà, il aurait été fidèle à lui-même jusqu'à la fin. Il est mort en fait assez jeune, il avait 63 ans, et il est enterré à Vienne, près de Beethoven et de Schubert. Françoise Lavoine, comme toujours, c'était un bonheur. Vous parliez de ses quintettes pour clarinette qu'il va composer. On va se quitter justement sur la musique d'un de ses quintettes. Merci beaucoup, Françoise. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.